qc.ca/élection ou encore composer le 514-872-VOTE. C'est ma ville, je vote. Musicien et passionné de musique, le Salon de la musique indépendante de Montréal présente sa 6e édition du 22 au 25 octobre à la SAP. Camp web promo, speedbooking, démo critique, kiosque et conférences, c'est ta chance de faire connaître ton band et ta musique. Vendredi 23 octobre, viens découvrir les 8 bands qui prendront d'assaut la scène principale de la SAP pour la soirée Sélection 2009, animée par Vidon Ladon La Question et couronnée par une performance de Yann Kelly. Tous les concerts sont gratuits. Pour la programmation complète ou pour s'inscrire, consulte le www.salondamusique.ca. Vous écoutez Choc FM. Bonjour à vous tous, vous êtes de retour ici à votre cyber-revue de presse, L'Autre Monde, une dose de lucidité hebdomadaire pour stimuler la réflexion et inviter à l'action. Je suis François Marginan sur les ondes de Choc FM, la radio alternative à Montréal et dans le monde, oui, dans le monde. Et vous êtes ici, oui, c'est la radio de Choc FM qui est en pleine montée ici. Vous savez, vous avez de plus en plus d'auditeurs qui commencent à découvrir cette chaîne de radio très fantastique, qui est la radio officielle ici de l'Université du Québec à Montréal, donc de l'UQAM. Alors, oui, voilà, disons que ça, c'est de quoi qui est très intéressant, la radio web. Au début, peut-être les gens se demandaient un peu où c'était pour s'en aller, mais j'avoue que ça devient de plus en plus intéressant dans le sens que, bon, peut-être que sur le coup, on va rejoindre moins de personnes en diffusant sur les grandes ondes bien connues de la radio normale, commerciale. Sauf que ce qui arrive, c'est que les archives ici, vous savez, L'Autre Monde, sont toutes sont présentes et puis vous pouvez les retrouver au complet depuis le début. Donc ça, c'est très pratique aussi. Vous pouvez les télécharger, les écouter chez vous à votre propre rythme, les partager. Alors, ne vous gênez pas pour passer le mot d'ailleurs. Et puis, ben, je vais en profiter pour saluer aussi. C'est ça qui est génial de la radio web, c'est qu'en réalité, on n'est pas juste écouté dans le rayon d'effet de l'antenne de radio. Donc, à ce moment-là, on se retrouve à être sur Internet. Et puis, vous savez, on fait du chemin, hein. Donc, j'ai des auditeurs qui m'écrivent autant du Québec, de la France. J'ai eu un message cette semaine d'un auditeur de la Suisse. Alors, je prends le temps de saluer vraiment tout le monde. Vous voyez, l'émission circule comme ça. C'est ce qui est intéressant. Donc, on rejoint un peu toute la francophonie. Alors, voilà quoi, donc, bienvenue à L'Autre Monde, cette émission ici, on fait quoi? Ben, on fait une décortication, si on veut, en parenthèse, des nouvelles sur Internet. Donc, Internet, c'est une jungle informationnelle. Les grands médias ont souvent tendance à dénigrer tout ce qu'on peut trouver sur Internet en disant « Ah, vous avez trouvé ça sur Internet », en disant que, bon, ça ne valait pas grand-chose, mais en réalité, vous savez, comme je dis souvent ici à L'Autre Monde, c'est les grands médias qui sont en difficulté parce que, justement, les gens commencent à être un peu fatigués de se faire remplir de demi-nouvelles, bon, de trucs dépiécés, donc on a de la misère à se faire une bonne idée de ce qui se passe réellement dans le monde. Alors, les gens se tournent vers Internet. Pourquoi? Ben parce que vous avez, évidemment, c'est une jungle, hein, donc dans la jungle, on trouve de tout. C'est un peu comme aussi dans les médias traditionnels. Je veux dire, on a des journaux de potins, on a des journaux qui racontent n'importe quoi, et puis on a des journaux très sérieux. La même affaire pour les magazines. La télévision, c'est pareil. Vous avez des canaux d'information très sérieux, puis vous avez d'autres canaux où on, en fait, c'est que du divertissement. Donc, vous comprenez là que quand on dit vous avez pris ça sur Internet, ben on pourrait répondre ben vous avez pris ça à la télévision, hein? Vous avez pris ça dans les journaux. Donc, vous comprenez que c'est un argument un peu fallacieux dans le sens que c'est pas parce que ça se trouve sur Internet que c'est de moins grande valeur, parce que sur Internet aussi on trouve les sites Internet du gouvernement, bon, des grandes compagnies aussi, des grandes compagnies médiatiques. Donc, tout le monde se retrouve sur Internet. Donc, même si CNN va dire « Oh, vous avez trouvé ça sur Internet », eh bien, c'est bien de valeur, mais CNN est aussi sur Internet, hein? Donc voilà. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, je tenais à en faire part parce que, ben c'est ça, on a des gens qui nous écoutent d'un peu partout dans le monde. Donc, c'est vraiment une émission internationale. Alors, voilà. Donc, ici, ce qu'on fait à L'Autre Monde, ben c'est qu'on va chercher toutes les nouvelles les plus importantes durant la semaine. Et puis, ça, c'est fait sur une très large variété de médias. Encore là, comme je vous dis, sur Internet. Donc, ça vient souvent des médias traditionnels, des fois des blogs, des fois de centres de nouvelles alternatives. Et puis, moi, je vais chercher ce qui est le plus important et puis je vous repasse ça ici. Donc, c'est à vous là d'en faire le tri et puis d'aller vérifier les nouvelles. Comme vous savez, tous les liens sont disponibles sur mon blog personnel qui s'appelle Les Nouvelles Internationales, qui est en lien avec la page de L'Autre Monde. Et puis, de là, quand je finis l'émission ici à chaque semaine, je me dirige chez nous et puis un peu plus tard dans la journée, je mets tout ça en page. Donc, si vous êtes patient, vous attendez quelques heures. Normalement, dans la même journée de l'émission, vous allez retrouver tous les liens disponibles, nécessaires pour aller approfondir vos recherches. Donc, ici, on est là pour attirer votre attention sur des pièces d'information et puis essayer de passer les nouvelles les plus importantes de la semaine, celles qui passent pas malheureusement dans les médias de masse. C'est rendu on appelle ça des nouvelles entre parenthèses, c'est rendu quasiment des émissions de divertissement, hein. Donc, ici, quand vous écoutez L'Autre Monde, vous en avez pour une heure et demie, mais vous avez votre dose de nouvelles quasiment pour la semaine. Là, je fais une revue de ce qui est le plus important. Donc, voilà, c'est pour mettre en contexte ici. Des fois, il y a des nouveaux auditeurs, donc c'est important d'expliquer comment ça fonctionne ici sur L'Autre Monde. Alors, vous savez, ça fait deux semaines qu'on parle de H1N1, donc cette semaine, je commence de plein fouet et puis on va finir ce dossier-là. Et puis après ça, on va passer aux nouvelles internationales. Il y en a beaucoup, donc je pense qu'on va passer une bonne partie de l'émission aussi sur ça. Et puis, il y avait la santé que j'aurais aimé toucher, mais comme vous voyez, là, c'est déjà énormément d'ouvrages. Donc, on va passer à travers de tout ça, mais on commence avec le H1N1. Alors, voilà. Donc là, H1N1, vous savez, on commence à en entendre parler de plus en plus dans les médias, à la télévision, dans les radios. On entend de plus en plus de débats. J'avais même l'idée ici de vous en organiser un. Je suis encore en train de songer à ça, à voir si ça vaut la peine ou pas. Je crois que on commence à en avoir parlé pas mal. Le débat, on l'a essayé de le recentrer ici sur L'Autre Monde. Peut-être qu'on pourrait aller chercher des pour et des contre la vaccination et puis spécifiquement celle pour le H1N1 et puis voir qu'est-ce que les différents intervenants auraient à dire. Mais bon, pour aujourd'hui, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais finir de vous lire, je les lis pas. En fait, la plupart des nouvelles sont en anglais, donc je fais une traduction simultanée, là, donc des fois... Soyez diligent avec moi si je trébuche dans mes mots, c'est un peu live, mais vous savez, comme je vous dis, tous les liens sont là, donc allez voir ça. Et puis, comme vous savez, sur Internet, j'en ai des nouvelles en français, il y en a beaucoup aussi en anglais. Vous savez, la masse d'informations en anglais est beaucoup plus importante que ce qui est présent en français. Ça, c'est bien spécial à voir aussi quand on peut naviguer dans les deux sphères de la blogosphère, celle anglophone et francophone, et puis on s'aperçoit que Il y a un genre de goulot quand qu'on arrive sur la blogosphère française, et puis il y a beaucoup d'informations qui ne sont carrément pas disponibles, et puis c'est un peu ici pour ça que sur l'autre monde, moi je vais chercher vraiment tout ce qui est disponible dans le monde, et puis je vous transmets ça. Alors, comme je vous dis, allez trouver les nouvelles. Et puis, si c'est en anglais, ça vous gêne, vous avez des moteurs de recherche qui offrent des traducteurs. Donc, bon, c'est pas là exactement parfait, mais ça vous donne une maudite bonne idée de quoi qui est discuté dans l'article. Alors, on commence. Alors, vous avez ici, cette semaine, une poursuite en justice contre la FDA, la Food and Drug Administration, donc la Santé Canada des États-Unis, qui a été mise en place. Donc, c'est une poursuite en justice d'un prosecuteur qui s'appelle Jim Turner. Ce gars-là, Swine Flu Vaccine in America. Alors, on dit, OK, la poursuite en justice accuse la FDA d'avoir approuvé des vaccins en violation de la loi fédérale. L'aurait violé dans le sens que les tests de sécurité, de sûreté, de non-toxicité de ces vaccins-là n'ont pas été conduites de façon appropriée ou pas du tout. Donc, évidemment que c'est de quoi qui est illégal. Même ici, au Canada, ça devrait être de quoi qui est illégal. Je veux dire, on sait que ces vaccins-là n'ont pas été testés de façon adéquate et puis vont contenir des ingrédients qui sont évidemment très suspects. On a aussi un passé sur plusieurs de ces ingrédients-là, comme le thimérosal, qui est un dérivé du mercure, qui est un préservatif qui est mis dans ces vaccins-là. Et vous avez aussi le squalène, comme je disais, qui est un adjuvant qui nous permet d'en faire beaucoup plus. J'en ai parlé les semaines dernières, donc je vous réfère aux émissions passées si vous n'êtes pas au courant du squalène. Le squalène qui est hautement, je dirais, dangereux pour le système immunitaire parce qu'il produit une réaction du système immunitaire qui finit en sorte que le système immunitaire se combat, l'humain combat le corps. Donc, ça, c'est évidemment très mauvais. Puis, on sait que sur le 1 million de personnel américain qui est passé sur le théâtre de guerre de la Golfe Persique en 1991, on a 500 000 soldats, okay? Donc un demi-million de soldats qui ont été malades. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont reçu un vaccin obligatoire, expérimental, contre l'anthrax, et puis il contenait du squalène, donc ça a rendu ces gens-là malades, et puis ça en a tué plusieurs milliers, je crois que le chiffre c'est 17 000. Et vous savez que durant la guerre du Golfe Persique, seulement 300 Américains ont été tués, dans la guerre elle-même, OK? Donc, quand on parle de 17 000 personnes qui sont mortes des vaccins, on parle d'un rapport de 17 000 contre 300. Donc, l'armée en a tué 17 000 de ses propres soldats et personnel américain contre 300 qui ont été tués sur les terres de guerre même. Donc, imaginez un peu le scandale ici. Et puis, on va mettre 1 million de fois de plus de squalène dans ces vaccins AH1N1. Alors, imaginez ce qui va arriver avec les gens qui vont le recevoir, hein? Alors, ça, c'est de quoi tenir en tête. Et puis là, ben, comme de fait, vous avez une poursuite en justice là, qui a été déposée contre la FDA officiellement. Alors, OK. Ensuite, on a ici une nouvelle. Ça, c'est un expert de la santé allemand qui a écrit un article ici qui a révélé qu'il y avait des risques potentiels pour la santé avec les vaccins contre la grippe porcine. Vous avez un autre lien ici où on explique que les vaccins vont aussi... Je parle tout autour. Quand je parle de vaccins ici, c'est spécifiquement ces dossiers AH1N1. C'est pas les vaccins en général, OK? Donc, je vais essayer de simplifier en disant tout le temps seulement vaccins, là. Quand je vais spécifier les vaccins en général, je vais le dire. Alors, ici, on a un autre lien ici qu'on dit que c'est justement ces vaccins-là contre la grippe porcine sont liés à des maladies du système nerveux. OK? Ensuite, on a ici une autre nouvelle qui a été publiée par Natural News. On voit des courriels qui ont circulé, qui révélaient de l'information qui pointerait vers le fait que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a relâché des virus avaient un potentiel d'une pandémie dans la population via des vaccins qu'on appelle des mock-up en anglais. Ces mock-up, c'est un peu comme des imitations, si vous voulez. Alors, vous avez une nouvelle directement de l'OMS qui est en lien dans cet article-là de Natural News où vous avez, comme je vous dis, la station là, qui montre qu'on a utilisé, on a relâché volontairement certains virus qui imitaient l'autre. Alors, ça, c'est une nouvelle un peu curieuse. C'est un peu comme si on avait répandu les virus, la maladie dans la population pour faire un genre de test pour voir ce qui était pour arriver. Mais sans nous en parler, quoi. Donc, ça, c'est de quoi d'assez particulier. Je vous invite à aller voir cette nouvelle-là. Ensuite, vous avez une autre ici, une nouvelle qui détaille les vaccins qui sont liés à la paralysie. Ça, c'est un mémo qui a été révélé, qui a été glissé. Alors, ça, c'est une lettre d'avertissement qui a été envoyée au Daily Mail. Au Daily Mail, ça, c'est un journal en Angleterre. Okay? Donc, ça a été écrit par le professeur Elizabeth Miller de la protection pour la santé et l'immunisation. Alors, on est en train d'avertir là-bas les neurologistes à propos des dangers potentiels contre le vaccin, c'est-à-dire concernant le vaccin. Alors ici, vous avez une autre nouvelle encore là. Ça, c'est M. Mercola, le docteur Mercola, qui a un site aux États-Unis qui avertit encore là des liens entre le vaccin et les maladies du système nerveux, parce que vous savez que ce qui est arrivé aussi en 1976, c'est pas comme s'il n'y avait pas de précédent. Si vous avez écouté les nouvelles depuis, je parle de l'émission, depuis l'été, vous allez peut-être vous rappeler que je vous disais qu'on avait eu un précédent important aux États-Unis en 1976, alors qu'on avait épeuré la population de la même façon qu'aujourd'hui, en les menaçant d'une pandémie ou qui était pour tuer des milliers de personnes, c'est pas des millions de personnes. On avait suggéré fortement aux gens d'aller se faire vacciner contre un virus de la grippe porcine, alors vraiment de quoi de très très similaire. Et en réalité, c'est que le virus s'était propagé à partir d'une base militaire encore, donc probablement des vaccins expérimentaux encore de l'armée où un virus s'est échappé des laboratoires, parce que vous savez qu'on fait évidemment des programmes de recherche sur des armes biologiques et puis on utilise certains trucs comme ça. C'est eux d'ailleurs qui avaient réanimé le fameux virus de la grippe espagnole de 1918, OK? Donc ça aussi, ça vient d'une base militaire aux États-Unis, Fort Riley. Et ce qui est arrivé, c'est que, bon, on avait l'intention de vacciner plus de 200 millions d'Américains. Et puis, quand on est arrivé à environ 50 millions d'Américains vaccinés, on avait déjà entre, selon les chiffres, là, ça va varier de 50 à 300 personnes, selon les rapports que j'ai lus, qui sont décédés des suites du vaccin à cause, bon, des ingrédients qui étaient présents là-dedans. Et puis, plusieurs personnes se sont retrouvées avec le syndrome qu'on appelle Guillain-Barré. Et ça, c'est de quoi qui attaque le système nerveux. On parle de paralysie, incapacité de respirer, ça peut être fatal. Alors, on était obligé au niveau du gouvernement américain d'arrêter la vaccination de masse. Et puis, évidemment, qu'il y a eu des poursuites en justice contre les compagnies et puis le gouvernement. Donc, c'est pas comme s'il n'y avait pas eu de précédent. Donc, faites attention, là, dans ces campagnes-là, c'est pas de quoi qui est nouveau encore. Il y a des choses qui se sont passées dans le passé, puis on peut les comparer, et puis peut-être essayer de se protéger, là, mentalement, là, hein, parce que avoir un petit sens critique par rapport à ça. Alors, voilà. Donc, ça, c'est un article du Daily Mail. Allez consulter. Ici, vous avez un autre article encore qui parle des liens du vaccin avec des maladies du système nerveux, comme Guillain-Barré, le syndrome Guillain-Barré. Ça, c'est une lettre qui a été envoyée à un autre journal. Non, ça, c'est la même, ça. C'est Guillain, OK, au mail encore. OK, ça, c'est la même affaire. Ensuite, vous avez des hôpitaux américains qui ont fait des tests de ce vaccin-là contre le H1N1 sur des enfants. Alors, ça, c'est très intéressant aussi. Vous voyez que ces compagnies pharmaceutiques-là utilisent du bétail, n'importe quoi, des enfants. Alors, dans les hôpitaux, c'est très, très spécial. Alors, allez voir cette nouvelle-là aussi. Ensuite, vous avez une autre vidéo sur le même sujet. Donc, on parle d'abus d'enfants. Alors, évidemment, on utilise des enfants pour faire des tests. Alors, ici, vous avez une autre vidéo pour aller chercher plus d'informations par rapport à ça. Vous avez plusieurs articles par rapport au syndrome de Guillain-Barré. Vous avez d'autres ici, là, un autre lien qui parle des docteurs qui disent de surveiller ce syndrome-là. Et puis d'ailleurs, en Angleterre, vous avez aussi le gouvernement qui a émis un avertissement particulier aux docteurs de surveiller l'émergence ou une hausse des syndromes Guillain-Barré suite à la vaccination. Alors, voyez que non seulement il y a des précédents par rapport à ça, mais on s'inquiète aussi justement de ces phénomènes-là et puis que ça revienne. Alors, si ça vous rassure, ben, pensez à ça, là. Ensuite, IPS Research, OK, ça, c'est quoi ça? Ça, c'est un article encore sur les... Attendez un peu. OK, ici, c'est encore sur le syndrome Guillain-Barré. On parle de méthodes ici pour de produire les vaccins. On va chercher encore là les virus sur des reins de singes qu'on a infectés. Alors, vous pouvez aller voir ça. Ici, c'est un article qui pose la question si les vaccins augmentent le risque de cancer. Alors, vous avez un genre de petit questionnaire ici pour tester vos connaissances. C'est assez intéressant. Puis, vous allez voir que il y a peut-être des réponses qui vont vous surprendre là-dedans. Donc, peut-être prendre une petite chance ici d'aller voir ce petit questionnaire-là, d'avoir quels sont les faits par rapport à la vaccination. OK? Donc, ça peut être assez intéressant. Ici, on parle des experts allemands. Qui discutent encore là de la sûreté de ces virus-là. Vous avez la Gates Foundation. Vous savez, la Gates Foundation, j'ai écrit un article sur l'Essai du Québec qui parle d'eugénisme et la Gates Foundation est très profondément impliquée dans un agenda eugénique, si vous voulez. Ça fait longtemps qu'on finance ça chez les Bill et Melinda Gates Foundation, et puis vous avez des liens, des références à ça, c'est documenté, là, c'est pas de quoi là que je suis en train d'inventer comme ça sur le bout de ma langue. On finance un certain eugénisme, et puis vous avez des liens à aller voir là-dessus, et puis c'est assez spécial parce que là, justement, on vous pose ce petit questionnaire-là, on dit est-ce qu'on devrait rendre les vaccins contre la grippe porcine disponibles aux pays pauvres en premier, et puis après ça, on vous demande si on devrait faire un truc, soit nous donner les vaccins ici en premier ou laisser. Il y a une autre question, tu vois ici, si on devrait payer pour les vaccins et puis laisser les autres pays avoir les vaccins en premier. Donc, c'est comme si on est en train finalement de vous dire est-ce qu'on devrait vacciner les pays du tiers-monde en premier. C'est un peu comme si on était en train de décider qui va passer au bat en premier, finalement. Est-ce que c'est nos pays occidentaux? Ben non, ça va être les pays qu'on dit, entre parenthèses, pauvres, en fait, qu'on a maintenus pauvres pendant des décennies. Comme dans un genre de programme de vaccination. Mais on sait que je crois que c'est un peu... c'est au Nigeria, je crois, au Nigeria, qui a gagné un très gros procès contre une compagnie pharmaceutique. Encore là, je vais pas m'annoncer. Je crois que c'est Merck ou un autre comme ça. Je suis pas certain, là, chers auditeurs, ça sera vérifié. Mais je sais que le Nigeria a remporté une grosse victoire en cours contre une compagnie pharmaceutique pour avoir fait des tests de vaccins sur des enfants non consentants. Vous avez aussi plusieurs documents qui rend évidence, qui documente le fait que vous avez des programmes de vaccination, même de l'ONU en Afrique, qui comprenaient des composantes stérilisantes, donc d'enfants, c'est-à-dire de femmes. Et puis ces femmes-là, après ça, sont incapables de garder un enfant, font des fausses couches à répétition. Ça aussi, ça a été rapporté par des études faites à l'université mexicaine, donc des vaccins qui ont été distribués aussi en Amérique du Sud. Donc c'est une réalité un peu laide. On sait pas trop quoi penser de ça. C'est-tu une erreur ou de quoi de volontaire? Mais là, comme vous voyez, il y a des liens avec la Gates Foundation, et puis on parle ici, là, justement, de ce qu'on devrait vacciner les populations pauvres en premier ou les nôtres en premier. Donc, il y a des questions à se poser. Donc, je vous laisse penser à ça. C'est pas ma job ici de vous dire quoi penser comme les médias de masse, mais plutôt de vous proposer différentes informations. Et puis après ça, allez vous faire votre propre idée, là. Allez checker ça. Allez. On continue. Des faits historiques sur les dangers et puis les insuccès, si je pourrais dire. Les dangers et puis les problèmes avec les vaccins. Alors, ça, c'est un autre gros mythe, je dirais, un gros tabou qui est en train de briser. Puis, j'en ai parlé aussi les semaines précédentes. C'est que en très peu de temps, là, en quelques mois, on est passé d'une petite fraction de la population qui remettait en doute ou en cause vraiment toute la véracité ou le fondement même de la vaccination à une grosse fraction de la population qui maintenant se pose des questions. Et puis, en fait, on n'a pas besoin d'aller ben loin dans les théories de complot et puis de tout, là, je veux dire... La grande question, c'est de savoir c'est quoi les ingrédients qu'il y a là-dedans, hein, dans ces vaccins-là. Et puis, c'est ce qu'on on essaie de garder secret. On n'en parle pas trop, on discute pas trop de ça. Et puis, les débats devraient être centrés sur ça, finalement. Là. C'est quoi qui rentre dans la composition de ces vaccins-là? Et puis, quels sont quels sont les dangers, les effets secondaires de ces ingrédients-là. Mais aussi, surtout, comme je parlais la semaine passée, c'est l'effet cumulatif, parce que on sait que là, on ne reçoit pas qu'un vaccin. Souvent, on en reçoit deux, trois. Ça peut être même à la même journée ou plusieurs fois sur une période étalée, OK? Donc, mais on n'a jamais fait de test. Puis quand je dis jamais, c'est en grosses lettres majuscules. Il n'y a jamais eu de test sur les effets cumuler des vaccins, OK? Donc, on peut dire tel vaccin est relativement sécuritaire, celle-là est relativement sécuritaire, des fois, il arrive des problèmes, blablabla. Même si on dit c'est très rare, bien que j'y crois pas, mais disons que c'est ça soit vrai, mettons que c'est très, très rare qu'il y ait des effets secondaires et que ça vaille encore la peine de vacciner. On n'a jamais posé la question à savoir quels sont les effets accumulés, parce que les gens vont vous dire « Ouais, mais il y a un peu de mercure dans les vaccins, mais vous savez, quand vous mangez du thon, ben non, des produits de la mer, hein, il y a beaucoup de mercure là-dedans, et puis c'est encore pire que ça. » Ben moi, je pose la question, le mercure s'accumule dans le corps, s'élimine très, très peu ou très mal, en tout cas, et puis il s'accumule dans le corps, et puis si on rajoute en plus des vaccins là-dessus, vous savez, la FDA, la Food and Drug Administration aux États-Unis a enlevé la limite de façon temporaire, surtout sur les vaccins, ou particulièrement sur les vaccins contre le H1N1. Et puis là, on peut mettre autant de mercure qu'on veut. Si vous mangez du thon en plus, eh bien là, vous vous retrouvez avec des quantités de thon assez impressionnantes. Et puis là, vous avez soudainement des taux en la hausse fulgurant d'autisme. OK? Et puis, j'ai lu des articles très particuliers. Surtout aux États-Unis, vous avez des grosses communautés de Amish, OK? Vous avez une communauté, je crois qu'ils sont 23 000, une affaire comme ça. Et puis, vous avez, je crois, trois personnes sur le tas, OK, qui se sont faites vacciner et puis qui ont eu des problèmes, OK? Et vous avez le reste de la population. Chez les Amish, normalement, on se fait pas vacciner. Donc, tout le reste des 23 000 ne s'est jamais fait vacciner et puis n'a aucun cas d'autisme, alors que si on compare avec les Américains dans la population générale, on a des taux faramineux d'autisme, surtout quand on compare là avec quelques décennies auparavant. Vous allez vous rendre compte là que l'autisme et puis les maladies du système nerveux central, la maladie de Crohn sont en hausse fulgurante et puis faut se poser des questions à un moment donné, OK? Donc il faut remettre nos tous les préceptes en question. Écoutez, si on est certain que la vaccination est si bonne que ça, qu'il n'y a pas de problème, ben ça veut dire qu'il n'y a pas de danger, il ne devrait pas avoir de peur à refaire des tests. OK, vous savez, le timérosal qui est à base de mercure a été testé pour la dernière fois et la seule fois il y a environ 70 ans. OK, donc ça a été testé qu'une fois dans toute l'histoire de la vaccination sur une vingtaine de personnes, puis c'est tout. OK, donc c'est tous les tests qu'on a là, sur ça. Et puis là, après ça, depuis 110 ans, ben on vous dit, ben non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Fais-toi vacciner avec ça. Alors, c'est des effets qu'on vous rapporte très peu. Puis à un moment donné, il faut penser à ça. OK? Alors, vous avez ici des experts scientifiques américains qui, bon, sur le H1N1, on vous dit ici que ces gens-là n'ont aucune idée sur les effets secondaires de la vaccination. On vous vend ces trucs-là. Vous savez, je me rappelle la semaine passée, en sortant de l'émission ici, je passais dans une boutique, je crois un dépanneur, et boum, je vois le fameux journal de Montréal en page première, mon gars, gros scoop avec un bras, et puis on dit « Allez vous faire vacciner! » Allez, va te faire planter l'aiguille dans le bras. Et puis, ne te pose pas de questions. On te dit que c'est, il n'y a aucun problème, OK? Alors qu'on a des événements passés, comme je vous disais, aux États-Unis en 1976, où on a fait la même affaire. On a dit à tout le monde, hey, il n'y a pas de problème, c'est tellement facile. On montrait les gens à la télévision. J'ai vu les publicités de 76. Ça vaut la peine d'être vu. Là, faites quelques petites recherches, là. Genre, 1976, États-Unis, grippe aviaire, publicité, là, genre de truc de mots-clés. Comme ça, vous allez voir que vous avez des publicités qui vont sortir. Et puis, allez voir ça, ça vaut la peine. Je me rappelle un camionneur. J'ai pas envie de prendre, d'attraper le virus. Donc, je suis allé me faire vacciner. Vous allez voir un autre reporter qui est dans une genre de salle d'école. On dirait qu'il a été temporairement changé en salle de vaccination. Les gens qui font la queue leu-leu. On est en file. On se retrousse la manche. Et puis, eh bien, on se fait vacciner, quoi, avec le truc à vacciner à pression, hein, donc avec à air, là, et puis, Et puis voilà quoi, le résultat de ça, c'était quoi en 1976? C'était, dans le fond, j'ai pas dit ça un peu plus tôt, c'est un point important. Une personne seulement, un Américain est mort du virus de la grippe porcine en 1976 contre 50 à 300 qui sont décédés des suites de la vaccination. Alors, de quoi qu'on devrait avoir plus peur si on se fie à ce qui s'est passé en 1976? Et puis, on a toutes les raisons de s'y fier parce que là, on se retrouve non seulement dans la même situation, mais avec des vaccins, un, qui ne sont pas testés, deux, pour lesquels les compagnies pharmaceutiques ont reçu complète couverture, immunité de poursuites judiciaires en cas d'effets secondaires ou de décès. OK? Et trois, ces vaccins-là ne sont pas testés. Et puis, j'ai-tu dit ça en premier? Attendez un peu, là, je t'arrête de perdre mes points. Bon, je crois que c'est ça. Anyway. Et puis, ce qui arrive, c'est que là, on se retrouve avec des cas dans le passé où on a eu beaucoup plus de mortalité puis de dommages qui ont été faits par les vaccins que par le virus lui-même. OK? Donc, il y a beaucoup de parallèles à faire. Voilà quoi, c'est des questions là très importantes pour lesquelles là, il faut chercher des réponses là, absolument là, ça c'est très très important. Et puis là, faites attention avec encore là les gens qui portent des sarraux blancs. OK, c'est pas parce qu'on s'appelle un docteur ou qu'on a l'apparence d'un docteur, vous savez les compagnies pharmaceutiques récemment dans les derniers mois, je dirais dans les dernières même semaines, il y a une panoplie d'articles qui sont sortis, puis là, je vous dis, c'est pas sur des blogs, c'est des nouvelles qui ont été publiées, là, réellement dans les médias de masse, donc des trucs, là, vraiment très crédibles, là. Vous avez des quantités impressionnantes de compagnies pharmaceutiques, les plus grosses, celles, d'ailleurs, qui vont faire ces vaccins-là contre le H1N1, se sont fait prendre à créer des faux journaux médicaux, OK, et puis à publier des fausses études qu'ils ont faites ou des études qui ont été trafiquées pour cacher toutes les mauvais côtés. Se sont fait prendre à mentir, à corrompre des gens à la FDA. La FDA, d'ailleurs, cette semaine, qui a admis avoir des biais et puis avoir eu des profonds conflits d'intérêts dans certaines décisions. Vous avez les compagnies pharmaceutiques qui se sont fait traîner en cours, d'ailleurs, récemment, et puis qui ont perdu pour c'est plusieurs dizaines, c'est pas des centaines de millions de dollars, pour des médicaments qui étaient néfastes. Il y a un lourd passé, donc il n'y a aucune raison en tant que telle de dire « Oh, ces compagnies pharmaceutiques-là sont là pour mon bien, ils ne mentiraient jamais. Je veux dire, la même affaire pour des docteurs qui se sont fait exposer pour avoir reçu des millions de dollars des compagnies pharmaceutiques, après ça, distribuer des produits, même si on les savait dangereux. Alors, il y a un gros problème de crédibilité du côté je dirais médiatique et aussi des grandes compagnies pharmaceutiques et puis évidemment des politiciens, on n'a pas besoin d'en parler là. Donc c'est pas parce que aussi, même je dirais que la clique médicale qui est formée en grande partie par les compagnies pharmaceutiques, comme je vous dis, n'ont quasiment aucune idée, ils sont complètement convaincus, des fois de bonne foi, là, c'est pas pour faire les choses méchamment, je veux dire, des personnes qui sont simplement convaincu, sans remettre en question réellement, sans faire de recherche personnelle, des bienfaits de la vaccination. OK? Donc, c'est à vous, c'est votre ouvrage, c'est votre travail d'aller vous informer, de faire vos recherches et puis d'aller trouver les réponses à ces questions-là parce que ça ne va pas nécessairement venir de votre médecin. OK? Le médecin va peut-être simplement dire ce que lui a reçu de la compagnie pharmaceutique. Il va dire, aucun problème avec ça. OK? Mais encore là, vous avez des quantités impressionnantes d'infirmières, même ici au Québec. Vous savez, le ministre de la Santé, à un moment donné, il a eu l'air un peu sur la défensive à la télévision la semaine passée quand on a eu les infirmières, les docteurs qui disaient oh, « Nous, on sera pas vaccinés. » Et puis la même affaire du côté de l'Europe, vous avez une quantité de médecins, d'infirmières, même affaire aux États-Unis, où vous avez ces gens-là qui disent « Nous, non, on va pas se faire vacciner. » Puis pourtant, ces gens-là sont sur la première ligne d'offensive. Alors, voilà des choses encore là qui font réfléchir. Ensuite, vous avez ici une nouvelle de CBS News, Associated Press. On parle encore là de panique où on estime que plus de 90 000 personnes des États-Unis pourraient mourir cette année du H1N1. Alors, voyez encore là ces chiffres qu'on sort d'un peu de partout comme ça pour essayer d'épeurer les gens. Un autre ici, une vidéo d'un docteur qui admet que les vaccins sont plus mortels que le virus lui-même, OK? Ensuite, vous avez ici un sondage qui montre que 2/3 des parents américains ne vont pas faire vacciner leur enfant contre le H1N1. Ça, c'est un sondage qui a été fait par The Consumer Reports. On continue ici, attendez un peu... OK. Si on est en Belgique, vous avez des protestations qui ont été organisées par des gens. Vous avez le journal Le Soir qui a attaqué les décisions du gouvernement de la Belgique, belge en réalité, donc de donner des pouvoirs spéciaux très importants, un peu totalitaires. Dans ce cas de fausse crise, OK? Donc, on est en train de faire ça dans une couple de pays, c'est-à-dire qu'on est en train de donner des pouvoirs spéciaux aux agents fédéraux, et puis, bon, des fois même à l'armée, au personnel de la santé, pour être déployés en cas d'une pandémie, OK? Mais bien souvent, ce qui arrive, c'est que ces pouvoirs-là sont trop, disproportionnés par rapport à ce qui se passe réellement, OK? Donc, on donne des pouvoirs de rentrer chez vous sans mandat, de vous forcer à vous faire vacciner, de même de poster des policiers un peu partout. Donc, c'est de quoi qui est un peu inquiétant, quoi. Donc, ça aussi, c'est une tendance là, à surveiller. Vous avez deux nouvelles importantes aussi où on parle. Une ici au Canada. On a montré que ça, c'est une étude qui a été faite là, ici au Canada, donc très, très important, même revue par les pairs, donc de quoi de très solide. De quoi qui a inquiété les autorités canadiennes, parce qu'on a découvert dans cette étude-là que les vaccins contre la grippe saisonnière, si on les recevait, pour les gens qui les recevraient, aurait plus de chances à ce moment-là. Donc, j'essaie de reformuler ça plus facile, là. C'est-à-dire que si vous prenez le vaccin de la grippe saisonnière, vous avez plus de chances à ce moment-là de contracter le virus H1N1. Alors, ça vient de jeter beaucoup de questionnement dans le gouvernement. Alors, ces gens-là commencent à se demander qu'est-ce qu'on va faire, et puis on est en train de décommander, si vous voulez, ces vaccins saisonniers-là, puis de conseiller aux gens de peut-être pas le recevoir si on a l'intention de recevoir le vaccin contre le H1N1. Donc, voyez encore là des effets de vaccins combinés, le système immunitaire qui se trouve à être affaibli quand on va recevoir d'autres vaccins contre la grippe saisonnière. Donc, ça aussi, là, c'est important à avoir en tête. Donc, vous voyez les effets cumulatifs. Et puis ça, c'est une revue, c'est-à-dire c'est une étude qui a été revue par les pairs. Et puis, ça a fait beaucoup réagir le gouvernement du Canada. Donc, vous voyez, là, ça, c'est important. OK, qu'est-ce qu'on a ici? Ensuite, vous avez encore là une autre nouvelle hystérie où c'est qu'on a les Nations Unies qui a émis un rapport, qui était censé être secret, mais qu'on a appris, où les Nations Unies prévoient que le virus pourrait tuer des millions de personnes et puis causer l'anarchie dans les nations pauvres du monde. Bon, vous voyez un peu encore là ce genre de d'hystérie-là qui vient des Nations Unies directement. Ça a été un rapport qui a été relâché, si vous voulez, là, de façon non voulue au journal The Observer. Ça, c'est un rapport qui identifie 75 pays qui demeurent vulnérables au chaos, dans un scénario de chaos, OK? Vous avez 6 nations en Amérique du Sud, 21 en Asie, puis 40 en Afrique. Donc... c'est un peu spécial de voir comment on essaie d'épeurer la population. Puis c'est ça aussi qu'il faut essayer de surveiller, c'est de regarder là, qui essaie de vous faire peur. La polio qui est en augmentation au Nigeria après que des vaccins ont été donnés avec des virus qui étaient contenus dans ces vaccins-là, puis ces virus-là ont muté. Et puis, à ce moment-là, ça a fait en sorte que la polio est plus virulente et puis se répand plus rapidement. Donc, vous avez 124 enfants nigériens qui sont tombés paralysés suite à ça. Alors, franchement, ça, c'est des problèmes qu'on savait. En plus, selon la nouvelle, vous allez apprendre de ça, qui est en plus un peu frappant, c'est que on était au courant que ces vaccins-là avaient des problèmes depuis 2005 et puis on a continué à les administrer. Alors, voilà un autre exemple qui vient remettre un peu en doute la crédibilité, justement, de ces grandes compagnies-là. Alors, depuis 2005, on savait que ces vaccins-là avaient des problèmes. Qu'il y avait de quoi qui était poison là-dedans et puis que on l'a laissé sur le marché pendant un autre 3 ans. Donc, imaginez, on a arrêté ça en 2008. Donc, vous savez que les profits des compagnies pharmaceutiques, c'est important. Et puis, c'est l'argent qu'on met en premier, même avant la santé des gens. De quoi encore là qui fait réfléchir. Ensuite, on a quoi? On va être dû pour une pause, hein? OK, on va aller en pause, je crois, chers auditeurs. Je vais vous laisser réfléchir un peu à ça et puis relaxer. Puis je vais finir en revenant de la pause avec le dossier santé. Il y a encore quelques nouvelles, mais déjà, vous voyez, là, il y en a énormément. Puis j'en ai juste fait la moitié de ce que j'avais. Alors, on va se détendre un peu dans cette journée un peu froide. Alors, on va y aller avec une petite tune de Thievery Corporation. Et ça s'intitule The Cosmic Gate. Alors, le portail cosmique. Alors, allons-y. Vous êtes de retour, une petite pause musicale. Alors, allons-y. Vous avez différentes questions aussi là, par rapport au vaccin AH1N1 qui ont trait par rapport à la vaccination de masse, OK, qui inquiète plusieurs personnes. Et puis, avec raison, là, surtout aux États-Unis, où déjà on a quelques États qui ont commencé à mettre des mesures obligatoires et puis à laisser entendre aux gens que si on va la refuser, ben on peut rentrer en prison et puis même se voir charger 1 000 $ de la journée pour refuser la vaccination. Jusqu'ici au Canada, on n'a pas entendu parler réellement là de vaccination de masse sur c'est-à-dire obligatoire en tant que tel là. De façon vraiment importante, c'est-à-dire que jusqu'à date, on a essayé d'éviter ça au niveau des autorités canadiennes, et puis tant mieux, sauf qu'il reste quand même des questions à se poser dans le cas d'une pandémie. C'est pourquoi que des gens comme Mme Bachelot, qui est ministre de la Santé en France, par exemple, a-t-elle demandé, début février 2009, à un groupe de légistes constitutionnalistes un mémo sur la question suivante, à savoir si l'imposition d'un plan de vaccination à toute la population serait légale et constitutionnel. Donc, ça, c'est en France. Ici, au Canada, on a des certains articles. Je crois que c'est l'article 126, si je me rappelle bien, d'un projet de loi dont le chiffre m'échappe, mais je pouvais aller sûrement trouver ça sur Internet, là. Anyway, c'est dans les législations qui ont été passées ici au niveau du Québec, où on dit que dans le cas d'une pandémie, le ministre de la Santé et le gouvernement pourraient forcer la vaccination obligatoire, OK? Donc, à ce moment-là, on aurait le droit au niveau du gouvernement de suspendre les droits et libertés, finalement, la Constitution, dans un certain sens, parce que, bon, ça va à l'encontre de nos droits, donc vous forcer à recevoir de quoi un vaccin, c'est un peu spécial. Mais dans le cas d'une pandémie, apparemment que le gouvernement se donne le droit de le faire, OK? Donc, c'est une question, évidemment, à débattre. Moi, c'est évident que le gouvernement, là, c'est pas mon boss, OK? Donc, c'est pas lui qui va décider qu'est-ce qui va rentrer dans mon corps, c'est évident. On parle un peu de tyrannie ici. Mais, bon, ces articles dans la loi-là sont bel et bien écrits. Et puis, ce qui arrive, c'est que la question se pose à savoir qu'est-ce qu'on déclare, qu'est-ce qu'on définit comme étant une pandémie. Et puis, vous devez savoir que l'Organisation mondiale de la santé a modifié le 27 avril 2009 sa définition de la pandémie, OK? Donc, auparavant, pour déclarer une pandémie, les contraintes étaient beaucoup plus sévères. Et puis, maintenant, ben, il suffit que la maladie soit identifiée dans deux pays d'une même zone de l'OMS, OK? Donc là, même pour monter l'alerte au niveau 6 maximum, les critères ont été rabaissés, OK? Donc, dans le passé, on n'aurait jamais pu atteindre un niveau 6 de pandémie avec ce qu'on a actuellement. Donc, vous voyez aussi que non seulement ça a l'air terrible, mais il a fallu changer les paramètres au niveau de l'OMS pour que, justement, on puisse déclarer une pandémie plus grave que ce qu'elle est en réalité. Ça, c'est aussi assez intéressant. Il y aurait des questions à savoir pourquoi aussi il y a des brevets qui ont été émis contre la grippe porcine H1N1 qui n'existait même pas en 2007. Alors, ces brevets-là ont été déposés en 2007, OK? Donc, bien avant la réapparition du virus disparu depuis la fameuse épidémie de la grippe espagnole de 1918. Vous avez aussi des compagnies pharmaceutiques, même le président Sarkozy qui a eu l'intuition bien spéciale d'aller signer un contrat d'investissement d'un montant de 100 millions d'euros le 9 mars 2009 pour la construction d'une usine de fabrication de vaccins contre la grippe au Mexique, justement la place où le foyer de la pandémie aurait pris naissance, OK? Des questions bizarres, pareil. Bon, OK, vous savez, là, vous savez aussi pourquoi on pourrait se demander pourquoi aucun média, aucun expert scientifique qui rappelle que la grippe ordinaire tue chaque année entre 250 000 et 500 000 personnes, soit plus de 1000 morts par jour. OK, donc ça, c'est les 1000 morts par jour, là. On en a à peu près 1000 ou 2000 selon les chiffres actuels, peut-être 3000 à tout casser, là, OK, là, en forçant tout. Et puis, à chaque année, on en a de 250 000 à 300 000 mondialement pour la grippe saisonnière normale, OK? Donc, il est où, le problème, là, je veux dire, est où la pandémie, OK? Est où la panique? Je veux dire, il n'y a aucune raison de paniquer comme ça puis de commencer à parler de vacciner toute la population avec des vaccins non testés. OK, pour un problème qui est carrément pas existant, OK, c'est de quoi qui est assez spécial, là. Vous avez aussi d'ailleurs l'OMS qui a arrêté officiellement de compter les décès du H1N1, on les teste plus, donc on prend juste les chiffres des hôpitaux qui eux ont diagnostiqué selon des symptômes, mais on n'a même pas envoyé le virus en laboratoire pour vraiment le faire identifier comme étant celui du H1N1. Et puis, bien souvent, on se retrouve avec une filière de noms de gens qui ont été supposément contaminés. Et puis, on se sort de ces listes-là qui, finalement, sont quasiment sans fondement, ne sont pas réellement vérifiées et vérifiables. Et puis, après ça, on utilise ces chiffres-là pour vous épeurer. Donc, vous voyez un peu, là, c'est des questions quand même assez importantes. Voilà. Écoutez, il y a plusieurs questions à aller voir, là. Moi, je vais tout mettre ça en lien sur les nouvelles internationales. Je vais vous laisser consulter ça. J'en ai parlé pas mal. Je crois qu'on a fait pas mal le tour. Je vais aller voir ici en bas de ma page. Attendez un peu. Ici, on parle de l'FDA qui approuve des nouveaux règlements d'urgence dans le cas d'une médication de masse de la population. Une nouvelle assez intéressante ici, vendre la mort. la nouvelle bulle à Wall Street, bulle financière. Pourquoi? Parce que vous avez des compagnies financières qui vont racheter des contrats d'assurance de personnes âgées. Ok, donc vous avez, mettons, la personne est assurée pour 1 million. Elle a 73 ans. Alors, vous avez la personne, le financier qui va arriver, va dire, écoutez, bon, tu vois, ton contrat, toi, il vaut 1 million. T'aimerais pouvoir en profiter. Je vais te donner 500 000, moi, pour ça. Donne-moi ton truc. Fait que moi, quand tu vas mourir, je vais encaisser 1 million. Mais toi, tu as 500 000 tout de suite pour dépenser. Fait que tu peux le dépenser avant de mourir. Fait qu'il y a bien des gens, des fois, qui disent oui avec ça. Fait qu'on prend ces contrats d'assurance-là qui restent. Et puis, on s'en va après ça à Wall Street. On met ça ensemble. On package. On fait des beaux petits paquets. Et puis, on revend ça. Et puis, vous avez des gens après ça qui vont faire de l'argent quand les gens vont mourir, OK? Donc, ça devient une nouvelle bulle. Ça, c'est un article là, à voir. Là. C'est vraiment très intéressant. Ça vient d'ailleurs du New York Times, OK? Donc, vous voyez, là, c'est de quoi de vraiment d'important, allez voir. Et puis, ce qui arrive, c'est que là, si vous avez justement une vague de mortalité du H1N1, soit à cause du virus ou, ben non, de la vaccination elle-même, comme en 1976, eh bien, vous allez avoir peut-être des personnes sur Wall Street qui vont être contentes, OK? C'est-à-dire que la mortalité de plus de gens vont probablement faire de l'argent à plusieurs financiers sur Wall Street. Alors, une nouvelle assez particulière. On a deux articles ici où on dit que la garde nationale, le National Guard, là, aux États-Unis, se pratique en cas d'une pandémie du H1N1. Donc, on fait des pratiques live de rassemblement de gens, de quarantaine, OK? Donc, ça, c'est de la quarantaine, excusez-moi, quarantaine, c'est en anglais. Donc, on pratique des exercices là, de quarantaine, donc de rassemblement de gens en quarantaine. Vous avez encore là la garde nationale qui s'est pratiquée dans une école. Donc, on s'est pratiqué à prendre contrôle d'une école dans le cas où c'est que des gens refuseraient de se faire vacciner. Donc, on aurait des révoltes contre la vaccination. Alors, on pratique la garde nationale à prendre contrôle de ces gens-là qui refuseraient de se faire vacciner. Donc, vous voyez, là, c'est quand même spécial. Un autre article ici qu'on parle, on se prépare pour la loi martiale. OK, donc ça, c'est un autre... c'est une nouvelle qui vient de Alex Jones. Il va y avoir une conférence qui va être tenue, qui a été tenue à Washington, D.C. Puis on parlait, bon, de possibilité, justement, d'une vaccination de masse et puis d'instauration de la loi martiale. OK. OK, bon, ben là, ça avance pas mal. On a pas mal passé au travers du H1N1. Il y a peut-être d'autres petites affaires là que je vais vous laisser aller voir, mais c'est moi, ouais, c'est pas mal ça. Il y en a beaucoup. Et puis ça vaut la peine d'être bien informé. Alors allez vérifier ça. Là. Je vois pas d'autres choses là qui est bien important là. On a ici des plans. To take children from schools. Alors ici on est en train de parler d'enlever les enfants des écoles en cas de vaccination de masse et puis de quarantaine. Alors on utilise les écoles aux États-Unis. Alors voilà, c'est ça. Ça va être beau pour le H1N1. Alors on va lâcher ça. Il est quelle heure? Il est presque midi. On va partir en pause musicale encore. On va se faire une autre petite pause musicale et puis après ça on va revenir avec les nouvelles de la semaine. Les plus importantes, Moyen-Orient. J'étais censé vous parler de l'Afghanistan la semaine passée, je ne l'ai pas fait. Donc, on va faire un petit tour de l'Afghanistan aussi, si on a le temps. Alors, je vous laisse avec un autre bon petit morceau de musique. Et puis, on va se retrouver tout de suite après, chers auditeurs. OK, vous êtes de retour à l'autre monde. On va couper ça un petit peu, on a pas mal de nouvelles. Alors, voilà, François Margeneau au micro. Vous savez, on va là parler des nouvelles de la semaine et ce qu'il y a de plus important. Mais avant de commencer, j'ai de quoi qui m'a un peu... cette semaine qui m'a un peu laissé pantois, si je dirais. Et puis, je vais vous lancer dans le mille. C'est le fait que... Vous avez sûrement entendu que M. Obama a reçu un prix Nobel de la paix. Vous avez appris ça cette semaine, hein? Un prix Nobel de la paix pour M. Obama, M. Barack Obama. Alors, devant cet événement incroyable, parce que je veux dire, c'est très important, les jeunes dans notre société... qui vont être les futurs piliers de notre société de demain, ont besoin de posséder de bonnes et solides valeurs, hein, en plus d'avoir des clairs points de référence éthiques et moraux. Ça, c'est très, très important. Et puis, il faut leur donner des guides, des héros, hein, des gens imités, des idoles, des modèles sociétaux. Et vous savez, là, ces prix Nobel-là, on a tout le temps eu comme une bonne... Bonne impression de ça, hein? Il a gagné un prix Nobel de la paix. Wow, c'est fantastique. Quoique, je vais vous dire, depuis que Henry Kissinger a rapporté le prix Nobel de la paix, les gens ont commencé un peu à débarquer de ça, là. Henry Kissinger, qui est responsable de crimes de guerre et de toutes sortes d'atrocités dans le monde. Vous savez, on commence à donner ça un peu à n'importe qui, hein? Et puis il y a cette facette-là d'Obama qu'on essaie de déifier. Et on essaie de donner un nouveau film, un nouveau vernis de crédibilité et puis, je dirais, de bienveillance à la politique étrangère des États-Unis. Et on est allé donner un prix Nobel de la paix à Obama. Moi, je trouve ça assez incroyable. Vous savez, même Gandhi n'avait pas réussi à avoir le prix Nobel de la paix, OK? Donc, des personnes comme ça qui ont travaillé, œuvré toute leur vie, qui ont vraiment donné leur vie aux autres, hein, réellement, là, au bien public, au bien populaire. Et ces gens-là, comme Gandhi, n'ont même pas réussi à avoir le prix Nobel de la paix, mais on vient de le donner à Obama. Mais pourquoi? Ouais, je vous pose la question, pourquoi? Qu'est-ce qu'a fait Obama pour mériter un prix Nobel de la paix? Je veux dire, c'est assez incroyable. On a déclaré, vous savez, le comité qui a décidé ça, qui a attribué le prix à Obama, a déclaré que on a pris cette décision-là en indiquant qu'Obama avait donné au monde un espoir pour un meilleur futur. Imaginez-vous donc. Un espoir pour un meilleur futur. Dans quel sens? C'est assez spécial. Je veux dire, on commence à tomber dans une période où il n'y a plus rien qui fait de sens. C'est tout des deux poids, deux mesures. Le blanc et noir, le haut et le bas, l'ennemi et l'ami, et puis l'ami devient l'ennemi. Ce qui est santé n'est pas santé, vice-versa. Je veux dire, c'est assez incroyable. On se demande si à un moment donné, on devrait pas donner un prix, mettons, le prix fidélité du Time Magazine à David Letterman. Hein? Ça, c'est un article que j'ai écrit sur les sites du Québec que je vous invite à aller voir. Pourquoi pas ne pas donner un prix Greenpeace de l'environnement, okay, donné aux compagnies pétrolières pour surligner leur effort incroyable pour protéger la planète. En tant qu'affaire, on a donné un prix Nobel de la paix à Obama. Je vais vous expliquer pourquoi ça fait pas de sens, mais je veux vous montrer un peu le ridicule. Tu sais, on sait qu'on est rendu dans les deux poids, deux mesures, les affaires qui n'ont plus aucune référence, le novlangue, OK, donc la guerre, c'est la paix. Vous avez la liberté et l'esclavage, l'ignorance et la force, OK? Donc, c'est un peu là, en plein ça, qu'on patauge, OK? On patauge en pleine novlangue, en pleine... double pensée. Donc, aussi que le mercure est bon pour la santé, le squalène va vous sauver du vaccin du virus H1N1. Vous avez le fluoreux qui va protéger vos dents, tu sais, alors que ça brûle votre cerveau. Les OGM, c'est censé sauver le tiers-monde de la pénurie de nourriture, de la famine. Le MSG, c'est très bon pour vous. L'aspartame, c'est très bon. Tout est bon pour la santé, tu sais. Le réchauffement du climat, c'est de devenir plus froid, tu sais, c'est... la guerre, c'est la paix, comme je vous disais. L'endettement, c'est la reprise économique. Tu sais, c'est là où qu'on est rendu. Tu sais. On devrait donner des prix, genre le prix Nobel de la diversité biologique pour Monsanto. Pourquoi pas? Ou donner le prix HEC de l'intégrité fiscale à Vincent Lacroix. Tu sais, pourquoi pas? Tu sais. Il y a le Vatican. On pourrait donner tout le mérite au Vatican pour venir d'annoncer une nouvelle escouade SOS VAT contre la pédophilie. Hein, pourquoi pas? Pourquoi ne pas donner le prix intégrité médiatique à Power Corporation pour sa qualité d'information, son travail acharné dans la défense des droits et libertés des Québécois et pour sa promotion désintéressée de l'indépendantisme au Québec? Tant qu'à être là. Hein? Pourquoi ne pas donner un prix Nobel de la paix et de la guerre humanitaire et de la protection des civils innocents et l'octroyer à l'armée la plus morale du monde, celle d'Israël, hein? Et puis le donner de ricochet à Olmert et puis Netanyahou pour leur excellent travail dans la bande de Gaza, spécifiquement en ce qui a trait à leur impressionnante précision balistique. Hein? Pourquoi pas? Faut les récompenser, ces gens-là. On pourrait même leur donner le prestigieux prix du bulldozer d'or pour leur très robuste structure et son architecture unique, hein, le mur de la honte qui entoure la Palestine, assurant un état de siège en toute tranquillité d'esprit, en toute propreté. Hein, pourquoi pas? Pourquoi ne pas donner un prix Nobel de la santé aux compagnies pharmaceutiques qui ont le plaisir d'accepter récemment... pour leur dévouement désintéressé, leur altruisme gratuit et sans égal dans la lutte contre le maléfique virus exterminateur H1N1. Pourquoi pas? Hein? Alors, un prix Nobel de la paix pour Obama, est-ce que ça commence à faire mieux dans les paramètres, là, dans le genre de sens? C'est absolument génial, c'est incroyable. Voilà Obama sur le même chemin que Nelson Mandela et la mère Teresa. une place que même Gandhi n'avait pas réussi à atteindre. Impressionnant accomplissement pour Barack. Voici enfin un fort, une référence durable et stable pour la paix dans le monde. OK? Ça va être important. Vous savez, le matin même, la journée même que Obama reçoit le prix Nobel de la paix, M. Obama, voulant célébrer cet événement-là, s'est empêché de rencontrer son conseil de guerre afghan. OK? Donc, boum! D'une main, tu donnes son prix Nobel de la paix, et puis après ça, il se réfugie dans son War Council. Puis ça, c'est pas... c'est de quoi qui est factuel, OK? C'est exactement ce qui s'est passé. Et puis, ce conseil de guerre-là avait été soigneusement planifié et convenu pour coïncider avec celui du comité Nobel norvégien. Imaginez-vous donc. Parmi les invités présents, la bomba derrière les portes de la Situation Room de la Maison-Blanche se trouvait Joe Biden, le vice-président, la secrétaire de la Défense Hillary Clinton, Robert Gates et des conseillers politiques et militaires clés. Le général Stanley McChrystal a aussi participé via un lien vidéo de Kaboul, Afghanistan. Alors, on vient de recevoir le prix Nobel de la paix, puis M. McChrystal aurait offert au commandant en chef, donc Barack Obama, différentes alternatives, incluant l'injection de 60 000 troupes supplémentaires pour l'Afghanistan. Bravo pour la guerre! Limpide reflet de l'intensification des opérations militaires dans le théâtre de guerre en Irak, en Afghanistan. Donc, évidemment qu'on a intensifié les attaques et puis les opérations là-bas. Puis tout ça a été rendu possible par l'heureuse augmentation massive du budget militaire depuis l'arrivée d'Obama au pouvoir. Okay? Donc, Obama, depuis qu'il est arrivé, on augmente l'argent des budgets militaires. Donc, voilà pour le prix Nobel de la paix. Évidemment qu'on s'imagine que le noble objectif est la paix, évidemment. Okay? Donc, on augmente le budget de l'armée pour la paix, évidemment. Donc, comme je disais, la guerre et la paix. Hein? Ça, c'est le novlangue direct du roman de 1984 de M. Orwell. Ensuite, sous les ordres du président Obama, agissant à titre de commandant en chef, le Pakistan est maintenant l'objet de bombardements aériens routiniers en pleine violation de sa souveraineté territoriale. Ben alors, bravo pour le prix Nobel de la paix, M. Obama. De nouvelles bases militaires permanentes sont construites partout au Moyen-Orient et autour de la Russie et de la Chine. La construction de nouvelles bases militaires est envisagée en Amérique du Sud, incluant la Colombie, qui est voisine du Venezuela, qui est sous la griffe du terrible et dangereux terroriste Hugo Chavez, le très méchant Chavez. L'aide financière et militaire américaine pour Israël augmente en dépit des atrocités commises dans la bande de Gaza et du refus de cesser de bâtir des colonisations sur des territoires occupés volés aux descendants sémites palestiniens. OK, donc ça, c'est l'argent américain qui est donné en Israël qui a commis des crimes de guerre, OK, dans le Goldstone Report de l'ONU, qui, d'ailleurs, les États-Unis ont mis son droit de veto, on a essayé de le détruire, et puis Israël, finalement, a accusé les Nations Unies de devenir complètement non nécessaire si on poussait plus loin ce rapport-là des crimes de guerre israéliens qui ont été commis dans la bande de Gaza au début de l'année. OK? Donc, on continue de donner de l'équipement militaire en masse et puis des milliards de dollars à Israël, qui possède d'ailleurs des bombes nucléaires clandestines illégales. OK? Donc, bravo pour le prix Nobel, M. Obama. Vous avez les deux quartiers généraux militaires de AFRICOM puis SOUTHCOM. Ça, c'est le nom qu'on donne aux quartiers généraux militaires qui... concentre toutes les opérations militaires sur différents continents. Donc, SOUTHCOM, ça, c'est en Amérique du Sud. AFRICOM, c'est en Afrique. Et puis, on a mis ces centres-là et puis on les a renforcés depuis qu'Obama est au pouvoir. Donc, on a des menaces d'attaque militaire qui ont été renouvelées aussi, encore une fois, contre l'Iran de la part des États-Unis. Donc, bravo pour le prix Nobel de la paix. Et évidemment, on menace l'Iran pour son programme inexistant d'armes nucléaires, tout comme on l'avait fait pour l'Irak en 2003. Donc, rappelez-vous, hein, qu'on faisait ces discours terribles, épeurants, comme quoi que l'Irak aurait des armes de destruction massive et puis essaierait de se procurer des armes nucléaires. Même affaire avec l'Iran aujourd'hui, mais les gens ont une mémoire tellement courte qu'on s'en rappelle pas. Donc... Les États-Unis semblent être enclins à amplifier et enflammer les divisions entre le Pakistan et l'Inde, ce qui pourrait mener à un nouveau conflit régional, ainsi qu'à l'utilisation indirecte des armes nucléaires de l'Inde pour menacer la Chine. Donc, voilà quoi. Moi, je suis allé sur le site directement du comité Nobel norvégien qui cite qu'on a décidé que le prix Nobel de la paix pour le 2009 doit être remis au président de Barack Obama pour ses efforts extraordinaires afin de renforcer la diplomatie internationale et la coopération entre les peuples. Le comité a attaché une importance particulière à la vision d'Obama et le travail pour un monde sans armes nucléaires. Incroyable. Alors, le prix Nobel soulignant le travail pour un monde sans armes nucléaires à la nation qui en possède la plus. OK? Donc, aux États-Unis, on a la plus grande quantité d'armes nucléaires sur la planète. Et puis, c'est la seule nation à les avoir utilisées contre une population civile. All right. Ça, c'est bon. C'est pour des raisons évidentes qu'on a cru bon d'ennobliser. Donc, ça, c'est un nouveau mot français que je viens d'inventer. Donc, on ennobélise Obama pour la paix. C'est comme, vous avez des javelisants, tu sais, qui vous nettoient, qui font paraître tout blanc et puis ruissellant. Eh bien, c'est ce qu'on a fait avec Obama. On l'a comme lavé avec un agent nobélisant. OK? Donc, c'est tout entaché, les mains pleines de sang. On augmente les budgets militaires. On fait augmenter un cran supérieur les théâtres de guerre, autant en Afghanistan, en Irak qu'au Pakistan. Mais on avait besoin de le nobéliser un peu. OK? Donc, nobéliser, dans la langue, neuf langues, ça veut dire rafraîchir, donner un vernis, hein, d'une politique étrangère pacifique, alors que c'est un empire qui est en train de coloniser, comme on le faisait dans le temps, prendre possession des ressources naturelles et puis mettre au travail des populations pour un labeur très bon marché, quoi. Donc, c'est pas mal ce qui se passe, OK? Donc, donc voilà quoi. Donc ce qui est important, c'est pour les jeunes là, hein, qui vont être les piliers de la société de demain, tu sais, d'avoir des références claires comme Barack Obama, c'est important, hein, qui vient de recevoir un prix Nobel de la paix. C'est ennobélisant. Alors rappelez-vous quoi, la guerre et la paix, la liberté et l'esclavage, l'ignorance et la force, la paix et la guerre, la force et l'esclavage, l'ignorance et la liberté, la paix et la guerre. Etc., etc., etc. Vous voyez, là, tout est mêlé dans la tête, là, puis c'est là où on est rendu. Dans une époque où il n'y a plus rien qui fait de sens, carrément. Alors, ça, c'était une des grosses nouvelles dont je voulais vous parler. C'est important qu'on commence hein, à voir tous ces doubles standards-là, ce neuf langue-là dans notre société. OK, on va finir avec les nouvelles les plus importantes de la semaine. On va y aller avec l'économie, les banques. Ça, c'est aussi des nouvelles absolument importantes. Écoutez ça. Je ne sais pas si vous avez entendu ça sur vos canaux d'informations, de nouvelles quotidiennes, mais je veux dire, c'est absolument important à avoir en tête. Vous avez sûrement vu que le dollar canadien a pris de la force cette semaine contre le dollar américain. Et surtout que les prix de l'or ont monté, je crois, à 1050 $ américains de l'once. Alors, qu'est-ce qui explique ça? C'est que le dollar américain est en train de planter. Vous avez des forces aux États-Unis qui aiment bien voir le dollar dévaluer parce que ça fait augmenter les exportations et puis ça réduit le déficit de la balance commerciale des États-Unis. Mais aussi, vous avez une autre élite qui aimerait bien détruire l'économie américaine pour, je dirais, amollir la résistance pour prendre contrôle carrément du système financier, puis, je veux dire, mettre les Américains à genoux, leur voler leurs fonds de pension, voler les coffres du gouvernement, donc les fonds publics. Et, bon, vous savez... une réalité est que le dollar américain est en pleine chute. OK? Donc, ce qui arrive, c'est que vous avez eu deux grosses nouvelles cette semaine qui ont été publiées. En fait, ça se trouve être la semaine passée. Où c'est qu'on a la Chine, OK? La Chine avec le Japon, vous avez l'Arabie Saoudite, le Qatar, vous avez le Koweït, vous avez bon, la France, oui, je me rappelle la France, la Russie. Où on a annoncé qu'on est en train de vouloir mettre de côté le dollar américain pour les échanges de pétrole dans le monde, OK? Donc, vous savez, une des grandes raisons pour lesquelles l'économie américaine réussit toujours à flotter, c'est que les échanges commerciaux et puis surtout les achats de pétrole, les échanges de pétrole dans le monde se font en dollar américain. Donc, ça crée une grande demande pour le dollar américain. Ça force les pays, les banques centrales à accumuler des réserves de dollars américains. Et puis, à ce moment-là, ça fait en sorte que la valeur du dollar ne chute pas trop rapidement. Surtout que là, aux États-Unis, on vient d'imprimer, on vient de doubler encore le déficit et puis la dette américaine depuis l'année passée, on imprime de l'argent comme de l'eau, ça va créer une diminution évidemment de la valeur unitaire de chaque dollar américain. Évidemment qu'à ce moment-là, ça va créer une hyperinflation et ça va diminuer encore plus la valeur du dollar. Et puis là, on vient d'annoncer comme ça de tous ces pays-là ensemble que là, boum, on va pas utiliser l'argent américain pour faire des échanges commerciaux, surtout de pétrole dans le monde. Ça, c'est à peu près la moitié de la demande pour le dollar américain. Donc, imaginez le coût que là, ça vient donner dans les dents, tu sais, du dollar américain. Et puis là, de la même semaine, on a eu les Nations Unies qui ont annoncé qu'on devrait chercher une nouvelle monnaie ou une réserve, un panier de réserve de monnaie autre que le dollar américain pour la référence, si vous voulez, dans les marchés de transactions là, internationaux. Alors, déjà, les Américains venaient de recevoir, je disais, l'économie américaine, le dollar américain venait de recevoir un bon coup de poing en pleine face. Excusez-moi l'expression. Et là, vous avez les Nations Unies qui viennent de leur donner un autre bon uppercut direct d'un côté. Alors, évidemment que vous avez vu le dollar américain tomber en valeur quasiment instantanément et particulièrement le lendemain sur les marchés asiatiques. Alors, vous avez quatre banques centrales qui sont intervenues pour essayer de rattraper le dollar américain et puis le repéper un peu. Et puis, on parle de la Thaïlande, les Philippines, vous avez eu Taïwan et puis la Corée du Sud, OK? Donc, ça a été les banques centrales asiatiques qui ont été obligées de rattraper le dollar américain. Quand c'est rendu que la Philippine essaie de remonter le dollar américain, ça commence à être grave, là, OK? Alors, évidemment que ces banques-là ont fait ça. Pourquoi? Parce que évidemment que ces gens-là détiennent beaucoup de dollars américains, puis on veut pas perdre trop d'argent, c'est évident, là. Plus le dollar perd de valeur, plus ces gens-là en perdent aussi, hein. Alors, vous avez ça qui s'est passé. Très, très, très important. Et puis, vous avez eu les médias de masse qui en ont pas beaucoup rapporté. Donc, vous avez quasiment un effondrement du dollar et puis les médias de masse sifflotent dans les airs et puis on parle d'autres choses. C'est spécial, OK? Donc, vous voyez là, ça, c'est un genre de panique. On veut éviter, évidemment, une panique des gens, OK? Des gens qui vont se réfugier dans l'or, dans l'argent. Là, je parle des métaux précieux. Et puis, dans d'autres devises étrangères, évidemment, les gens commencent à perdre de confiance. Si le système, je dirais, économique fonctionne encore actuellement, est encore debout, qu'une supposée reprise économique, c'est que ça tient à une chose, c'est la confiance encore. Une confiance très relative, très précaire, très fragile. Et puis, dès qu'on va donner un petit coup de doigt sur le château de cartes de la confiance des consommateurs et puis des gens sur le marché boursier, puis des investisseurs, eh bien, tout ça va venir en s'écroulant. Et puis, ça va être un effet domino très rapide. OK? Donc, tout est une question, tout tient par un fil, et puis ce fil-là s'appelle la confiance des gens. Donc, si vous voyez le dollar qui apparaît comme étant très faible et puis continue à perdre énormément de valeur rapidement, eh bien, ça va ne faire qu'amplifier de façon exponentielle ce mouvement de panique-là. Et puis, vous pourriez avoir facilement envisageable, comme c'est passé l'année passée en Angleterre, une ruée des gens vers les banques pour retirer l'argent des banques, et puis on pourrait assister facilement à une fermeture massive temporaire, genre un genre de ce qu'on appelle en anglais un bank holiday, donc une genre de une vacance des banques, c'est-à-dire on va fermer les banques et puis tout geler les fonds pour pas que les gens retirent de façon désordonnée très rapide tout ce qu'ils ont à la banque, OK? Donc ça c'est de quoi qui s'est déjà passé et qu'on commence à laisser transparaître tranquillement dans les médias, mais ça fait déjà un bon moment qu'on en parle. Au niveau des autorités financières aux États-Unis surtout, OK? Donc, ayez ça en tête, c'est de quoi qui est très probable. Et puis, on pourrait voir même l'effondrement du dollar américain d'ici la fin de l'année 2009. Il y a une autre bulle qui risque d'éclater. Alors, vous voyez, là, on va de bulle en bulle. Ça fait de quelques années, au niveau de l'économie, que ce système-là est dû pour s'écrouler, OK? On a un sérieux problème et puis ça fait quelques fois que je l'explique. Donc, je ne vais pas y revenir. On fonctionne avec un système qui s'appelle fractionnaire bancaire, un système fractionnaire bancaire où on a un système qui, dès qu'il rentre en fonction, il y a plus de dettes qui est due qu'il y a d'argent qui existe dans le système. OK? Donc, c'est un système qui est basé sur la dette et qui est... on peut pas s'en sortir. C'est un cul-de-sac. OK? Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des bulles, OK? Donc, on crée une bulle économique, et puis là, ça fait toffer, ça fait durer le système jusqu'à la prochaine, et puis à toutes les fois que le système est pour s'écrouler, bon, on crée une autre bulle, et puis on s'en va de bulle en bulle comme ça. Donc, on a eu la bulle des hypothèques des années 80, après ça, on a eu la bulle d'Internet, la bulle .com qu'on appelle. On a eu l'année passée la bulle des marchés hypothécaires américains, le subprime qu'on appelle. Et puis là, on a eu la bulle qui est en train d'éclater, qui n'a pas encore vraiment pris toute son ampleur, qui est la plus importante, évidemment, c'est la bulle des produits dérivés. OK? Mais là, plus proche de nous, là, ce qui risque de nous tomber sur le nez très rapidement, là, c'est un article ici qu'on parle de la Fed aux États-Unis qui surveille ça, mais vous avez plusieurs analystes économiques qui en parle, c'est que vous allez avoir la bulle commerciale, OK? Donc, des hypothèques commerciaux qui, en réalité, elle a déjà explosé. Il reste maintenant à sentir encore les vagues d'effets de ça, OK? Donc, c'est officiellement déjà explosé. Et puis ça va faire mal. Donc, c'est, vous savez, la bulle des hypothèques des maisons a fait énormément de mal l'année passée. Ça a ravagé l'économie. Puis là, vous avez la bulle commerciale des hypothèques qui est en train d'exploser, qui même déjà, c'est déjà fait. Et puis là, c'est évidemment, on parle de l'industrie puis du commerce. Donc ça, c'est de quoi qui est à se rappeler. Vous allez voir dans les semaines prochaines, vous allez entendre de plus en plus parler des médias. Puis là, vous vous rappellerez que vous avez entendu ça sur l'autre monde en premier. OK, donc vous avez un autre article ici qui parle des banques qui sont incapables d'absorber justement les pertes des hypothèques qui ne sont pas remboursables au niveau des commerces, OK? Donc, pensez-y encore, comme je vous disais. Vous avez des liens vers différents films à voir. Money as Debt, ça c'est un film justement sur le système bancaire fractionnaire, comme je vous parlais. Vous avez aussi un autre vidéo ici, on parle des experts, des plus brillants esprits qui parlent des réformes monétaires à faire, OK? Donc, on parle ici des choses qui seraient à faire pour justement régler ces problèmes-là. Donc, vous avez des pistes de solutions. Vous avez Eliot Spitzer sur MSNBC. Vous avez une vidéo à aller voir très importante, l'ancien gouverneur de New York, bon, qui a été éclaboussé avec un truc, un scandale sexuel, mais en réalité, c'est que lui avait l'approbation et le support des 50 États des États-Unis pour amener des enquêtes contre l'administration Bush, qui a justement laissé, il a fermé les yeux sur les subprimes et l'ont laissé éclater cette bulle-là. Quand on vous dit que ça a été faites volontairement, c'est réellement le cas, là, c'est pas de quoi de maléfique, c'est juste des gens qui sont complètement corrompus, OK? Donc, on savait que cette crise-là, elle aurait pu, en fait, qu'elle s'en venait, on aurait pu l'éviter, au moins l'atténuer, et puis on l'a laissé venir. Donc, vous avez cette personne-là qui a fallu enlever du chemin, parce que M. Spitzer commençait à être assez dangereux contre l'élite et puis le statu quo. Alors, on l'a éclaboussé, mais là, ce monsieur-là revient avec une vidéo ici à consulter, puis qui parle que, justement, la Banque centrale des États-Unis est une pyramide de Ponzi, finalement. Donc, ce qu'on appelle en anglais un scam, là, c'est un truc, une entreprise criminelle, carrément. Qu'est-ce qu'on a? On a différents articles ici, justement, sur la toile de la dette. OK, donc on vit dans un système qui est basé sur la dette. Ça, c'est un article de Ellen Brown. Très important à aller voir pour les gens qui veulent comprendre comment le système bancaire fonctionne. Peu de gens... On parle tout le temps d'argent tous les jours, mais peu de gens comprennent réellement comment que le système bancaire fonctionne. Et puis, ça vous éclairerait pas mal de comprendre. OK, donc ici, on a la Cour qui ordonne à la Fed de relâcher... à qui on a attribué l'argent, OK? Donc, on a donné beaucoup d'argent aux banques et puis on a gardé ça secret. Alors, on a ici un combat qui se fait entre la Banque centrale des États-Unis puis la Cour et puis surtout le peuple américain. Donc, ça risque de faire changer beaucoup d'affaires aussi si les gens tiennent leur bout. Un article ici qui parle du calme avant la tempête financière. Oui, comme je vous disais, ne croyez pas à la reprise financière. Vous allez vous rendre compte bien rapidement que il n'est pas question de reprise financière avant qu'on touche le fond. Là, je veux dire, on va toucher pas mal plus de fonds avant qu'on commence à remonter, mes amis. Alors, un article qui parle de ça. Un autre article ici qui parle d'un Homer, comment on appelle ça en anglais, Armageddon, donc la grande catastrophe économique qui s'en vient. C'est pas pour vous séparer, c'est juste que vous savez, si on a réussi à faire glisser un peu l'économie puis à faire en sorte qu'on ait une apparence de reprise économique, c'est que le gouvernement américain et canadien, surtout le gouvernement américain, a investi des centaines de milliards de dollars, c'est pas des trilliards, OK? Trilliard avec 12 zéros. Alors, et puis là, cet argent-là est en train de passer au travers. Donc, le premier souffle artificiel qu'on a donné aux patients économiques est en train de mourir, est en train de passer au travers. Et puis, il en reste plus beaucoup. Et puis là, on est en train de se demander s'il pourrait avoir un autre plan de sauvetage qui va s'en venir de l'ordre de plusieurs trillions de dollars. Mais ce qui est certain, c'est que là, la réalité économique, la crise économique qu'on a camouflée, qu'on a masquée, va réapparaître avec sa figure hideuse très bientôt dans les prochains mois. Vous allez voir ça. Et puis, un des signes qui montre ça, c'est que les échanges commerciaux internationaux n'ont pas augmenté, n'ont pas montré aucun signe de réparation, si vous voulez, là, de reprise. Et puis, on peut se fier d'ailleurs à ce qu'on appelle au Baltic Dry Index. Lui, en fait, est basé sur toutes les échanges commerciaux dans le monde, surtout aussi par bateau. Donc, on sait à travers ça, là, vraiment, là, quelle quantité, grosso modo, dans le monde voyage, s'en va où. Donc, on peut savoir, là, à quel point l'économie va bien ou pas. Et vous avez cet indice-là du Dry Index qui a baissé encore de 3,1%. Récemment, donc vous savez là, il n'y a rien qui s'améliore, c'est une grosse baisse encore. On a ici le Japon qui a annoncé que ses exportations vers les États-Unis ont baissé encore de 43%. C'est énorme, ok? Donc vous voyez encore là les chiffres là qui n'augurent pas très bien. Vous avez à peu près 2 millions de Britanniques qui vont être forcés de prendre leur retraite plus tard, OK, parce que leurs fonds de pension ont été frappés de plein fouet par la crise du crédit, OK. Donc, vous voyez que ça fait longtemps que j'en parle ici sur l'autre monde, que je vous avertis que, évidemment, les fonds de pension vont être affectés par ça, OK. Donc, ensuite, on a quoi? On a le déficit des États-Unis qui risque de monter jusqu'à 1,6 trilliard de dollars, OK? Donc, imaginez la quantité d'argent. C'est même pas des chiffres qui sont quasiment comprenables intellectuellement. Vous avez des banques aux États-Unis, évidemment. On fait des fermetures de banques. Vous avez la réserve qui a perdu en cours une demande pour plus de transparence. Alors évidemment, la Banque centrale aux États-Unis, qui est une banque privée, détenue par des banquiers privés, qui imprime l'argent en dette qu'on charge aux Américains. OK? Donc ça, c'est des trucs à aller voir, un paquet d'articles là-dessus. Obama qui va nominer le chairman Ben Bernanke pour encore le poste, pour un deuxième round là, au poste de la Federal Reserve, donc la Fed. Alors voilà, encore plus de changements d'Obama, bien sûr. Ensuite, on a un article ici qui montre les pertes incroyables pour les fonds de pension. L'économie qui est encore en récession, même au mois de juillet et puis d'août. Alors, on vous dit qu'il y avait une reprise économique là et puis les données sont sorties, on n'y en avait pas. Vous avez The Reader Digest. Vous vous rappelez de ça, ce vieux livre-là? Ça fait tellement longtemps qu'on lit ça. Eh bien, The Reader's Digest vient de faire banqueroute. un article ici, on parle que les États-Unis sont 15 ans derrière la Corée du Sud en termes de vitesse d'Internet. Donc, ça prendra aux États-Unis 15 ans pour atteindre le niveau actuel de la Corée du Sud en termes de vitesse Internet. Puis là, on a terminé pas mal les nouvelles économiques. Alors, on arrive aux fins de l'émission. On n'a pas eu le temps de toucher au Moyen-Orient, c'est pas grave. On va revenir la semaine prochaine là-dessus avec les nouvelles du monde et puis le dossier de la santé plus en général que j'aimerais commencer aussi à toucher. Alors, voilà quoi, je vais arrêter ici parce que là, on commençait les nouvelles de Big Brother, si vous voulez, là, l'état policier, puis les trucs du genre, et puis il y en a beaucoup, donc je vais garder ça pour la semaine prochaine pour pas vous détacher ça. Alors, voilà, chers auditeurs, j'ai bien peur qu'on arrive à la fin de l'émission déjà, l'heure passe assez vite, c'est comme ça que ça se passe, alors je vous remercie énormément d'avoir été à l'écoute. Et puis, revenez-moi la semaine prochaine. Et comme je vous disais, n'hésitez pas à parler de cette émission, la propager. Je vous donne la permission de la télécharger, de l'écouter, de la diffuser. Faites en sorte qu'on grandisse ici. Et puis, allez pousser vos recherches, quoi. Restez bien informés. Formez votre sens critique. C'est ça qui est important. Alors, voilà, on se quitte là-dessus. Et moi, je vous salue bien bas. C'était François Marginant pour L'Autre Monde. Et puis, revenez-moi en pleine santé, bien fort, la semaine prochaine. All right? OK, bye-bye tout le monde. Passada, se fede, rolei, eu te amo. Mantenave, com fato passada.